Golf avec notre ami Rémi Curtinus. C'était la chronique du club de golf de Saint-Prime. Salut Rémi. Bonjour Rémi. On va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. En fin de semaine, c'était le Field Day. C'était le deuxième Field Day régional. Et il y a deux athlètes, deux golfeurs du club de golf de Saint-Prime qui se sont distingués. Effectivement, dans la classe 2A, c'est-à-dire la classe la plus forte, Jonathan Lambert a joué un magnifique 73 pour la première position. C'était ce qu'on appelle un field day régional ou un concours régional à la baie. Et dans la classe A, un autre golfeur de Saint-Prime, Jean Lamotte, je pense que lui a joué 76, si ma mémoire est bonne, pour effectivement aussi la première position dans la classe. OK. Ah. Est-ce que c'est... Il y avait combien de golfeurs de Saint-Prime? Au total, je pense qu'ils étaient une dizaine là, qui participaient dans les classes 2A, A puis B et B. Puis je dois te dire aussi, Danny, qu'on a eu une très, très bonne représentation du côté féminin au concours régional de Dolbeau en fin de semaine. On n'a pas les résultats, par contre. J'ai pas tous les noms en mémoire, là, mais je sais qu'on a la première et la troisième position dans la classe A, puis on a les deux premières positions là, Saint-Prime dans la classe BB au niveau féminin. Fait que les compétiteurs de Saint-Prime sont en train. Bon, c'est bravo. Maintenant, on va parler de... Ouais. C'est une activité qui était fort attendue pour votre financement. Ça fonctionne avec la municipalité. C'est le fameux plan Nord où il y avait des expositions miniers qui étaient peut-être présents au club de golf de Saint-Prime vendredi pour parler un peu des activités. Oui, effectivement. Jeudi et vendredi, les 11 et 12 juin dernier, l'événement, c'était la première édition, Regard vers le Nord, puis c'était associé à notre campagne de financement et à notre tournoi bénéfice. Alors, pendant les deux jours, on a eu au-delà de 140 joueurs. Ouais. Je pense que c'est même 142 joueurs. Alors, c'est assez exceptionnel. Puis, le résultat de notre campagne de financement est tout aussi exceptionnel. On a ramassé 111 150 $. Hey, c'est bon! C'était 75 000, votre... je me rappelle bien, c'était 75 000, votre... Ouais, notre objectif était de 75 000. En fait, notre objectif était de 100 000, compte tenu que on donnait 25 % des recettes aux organismes sociaux communautaires de la municipalité de Saint-Prime. Là, on leur donne 12 000. Okay. Évidemment, on annonce un résultat brut parce qu'il y a eu des dépenses dans cet événement-là et dans le tournoi bénéfice. Mais net, on s'approche de l'objectif, là, non seulement de l'objectif, mais du résultat ultime parce que je pense qu'à vie, dans l'histoire du club de golf de Saint-Prime, le meilleur résultat avait été sous la présidence d'honneur de Richard Garneau de Résolu. Et net, on est à peu près équivalent. Là. Net, on est proche de 70 000 $. Donc, c'est une activité qui pourrait être récurrente parce que le salon ou le plan Nord, c'était toutes les années. D'ailleurs, le gouvernement a investi au cours des dernières années pour relancer le plan Nord. Donc, certainement que cette exposition-là, parce que c'est une exposition pour faire connaître un peu. Donc, ça peut être récurrent au moins pour les deux, trois prochaines années, non? Oui, parce que on a. Parce que là, 111 000, ça va être dur à battre si vous voulez pas l'année prochaine. Regarde, si on a quelques secondes. Oui. On est sur une dette, fait que on n'a pas de problème. OK. Alors, regarde, on a eu trois conférenciers le jeudi matin, ce qu'on appelle des cafés causeries. Ouais. Notamment GNL Québec, tout le projet de gaz liquéfié que tout le monde a entendu parler. On a eu aussi BlackRock Metal qui nous a fait une conférence. Okay. Le vendredi matin, ça a été Ariane Phosphate, Rio Tinto Alcan et Stoll LN Gas, aussi un autre projet liquéfié, mais qui n'est pas en concurrence avec Gaz LN. Donc, on a eu cinq conférenciers le matin. On a eu le ministre Luc Blanchette, le ministre délégué aux mines et ministre responsable de la région du Nord du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue qui est venu nous faire une conférence vendredi après-midi. Jeudi après-midi, on a eu une conseillère de Ville de la Baie, Martine Gauthier, avec le maire Boivin. Donc, on a eu beaucoup de participants. Et malheureusement, le prix du métaux est en bas à cette période-ci. La plupart des projets sont, je dirais pas reportés, mais retardés. Alors, ce qui fait que l'année prochaine, ça devrait être encore plus pertinent de tenir une deuxième édition, compte tenu que là, les minières particulièrement vont savoir quelles sont les perspectives d'emploi, quelles sont les perspectives de contrat, de sous-traitance. Et bien sûr, là, nos entreprises régionales, en fonction de ces grands donneurs d'ouvrage-là, ben vont pouvoir davantage voir quelles sont les opportunités d'emploi, puis de contrat, puis de sous-traitance. Alors, fort probablement qu'on va tenir une deuxième édition, d'autant plus que on a fait une évaluation là avec nos participants. Puis l'évaluation, là, c'est presque tous positif. Donc, puis en lien avec le résultat de la campagne de financement, comme tu dis. Alors, si on peut conjuguer tout ça encore, certainement qu'on va regarder de près pour une deuxième. Puis ça, j'imagine que les exposants payaient, hein, payaient pour venir. Donc, il peut y en avoir plus l'année prochaine, non? Oui, déjà, on avait les 5 conférenciers là avec des grands donneurs d'ouvrage. On avait Hydro-Québec, on avait beaucoup de donneurs d'ordre, qu'appelle, pour pas dire des donneurs d'ouvrage. On avait une dizaine de kiosques. Sur le terrain de golf, effectivement. Puis ces gens-là, non seulement payaient pour les kiosques, mais payaient 150 $ là pour jouer au golf. Évidemment, on avait un petit lunch le matin, puis un cocktail dînatoire en après-midi. Mais au-delà de 140 participants, là, c'est un véritable succès pour notre première édition. OK. Est-ce que tu t'es fait des contacts un peu pour être des futurs commanditaires dans d'autres événements, non? C'est sûr, Danny, qu'on a parlé au ministre, okay. Là, en lien avec notre projet de développement de ouais, ça avance, notre projet ça. De développement à golf. Ouais. On devrait déposer très prochainement là le rapport final de l'étude environnementale. Alors, je lui ai parlé de notre projet puis des délais, de l'importance de notre projet. Évidemment, on a rencontré Rio Tinto Alcan avec lequel on a négocié, nous, un échange de terrain pour nous permettre là d'avoir accès à la bordure du lac, parce que tout le monde sait que c'est Rio Tinto Alcan qui est gestionnaire de la bordure du lac, ouais. Du niveau d'eau. Alors, oui, bien sûr qu'on a fait tous ces contacts-là là, pendant ces deux journées-là. Puis, ben, ouais. On pense qu'effectivement, on s'est créé un réseau qui, au besoin, on pourrait avoir besoin. Au besoin, c'est-à-dire on pourrait Donc, avec ça, avec cette activité-là, ça assure la pérennité de l'année au Club de golf? Plus les autres activités, hein? Ouais, disons que ça va au-delà de nos espérances cette année, mais il faut quand même considérer cette année comme une année de transition, là, compte tenu que on a une dette accumulée là de près de 700 000. Évidemment, la vente des terrains par rapport à ce qu'on va avoir de dépenses, ça devrait générer des revenus intéressants. Pis c'est ça qui va nous permettre d'assurer la pérennité du club. Mais cette année, je pense qu'on devrait cheminer certainement vers un équilibre budgétaire là, plutôt qu'un déficit qui, bon an, mal an, nous autres, là, se situait entre 60 000 et 100 000 par année. Alors, cette année, si c'est pas un équilibre budgétaire, ça devrait être un surplus. Mais j'espère certainement pas un déficit, là, sinon un léger déficit. Mais on est encore tôt en saison. Il faut que Dame Nature collabore, puis il faut que les gens viennent voir notre club. Puis en plus, notre club, cette année, il est réellement très beau. Là, on a amélioré substantiellement la qualité de nos verres, de notre parcours des tirs. On a amélioré, puis beaucoup de gens nous le disent, là, la qualité de l'accueil. Ouais. Donc, non, on a deux rencontres de fait avec l'ensemble de nos employés. On les met en valeur, puis on veut une réussite totale de notre projet cette année, puis tout le monde y collabore, puis tout le monde y contribue. C'est incroyable, enfin, je veux pas être négatif, parce qu'on en reparlera dehors des 11, c'est le jour et la nuit avec ce qui se passerait dans l'ancienne direction. Je veux pas être critique, là, mais en tout cas, bon, je n'irai pas plus loin dans mes commentaires, je veux pas me mettre dans la misère. En terminant, il y aura également un Saint-Prime de Lebeau. Ça, c'est une belle activité, ça va avoir lieu en fin de semaine. Oui, moi je pense là que pour beaucoup de nos golfeurs, là, autant à Saint-Prime qu'à de Lebeau, c'est le plus gros événement de l'année pour nos deux clubs. Alors, effectivement, en fin de semaine, c'est le Dolbeau s'imprime. Puis déjà hier, je parlais avec Ronald Lafrance, qui est le capitaine du club de golf de Dolbeau. Puis il me disait qu'il y avait déjà, je pense, au-delà de 60 inscriptions à Dolbeau. Mm. Nous, on veut atteindre à peu près le même objectif. Donc, on est en train de donner à cet événement-là la même notoriété qu'on avait au début, là, c'est-à-dire au-delà de 100 joueurs, puis on a déjà eu, je pense, un total de 144 joueurs. Donc, on s'approche de ces résultats-là. Alors, autant à Dolbeau là, qu'à Saint-Prime, je pense qu'il y a un dynamisme cette année. Puis, c'est bon pour l'activité économique de nos deux régions, ouais. de nos deux territoires. Ouais. En terminant, je veux te parler de l'Omnium Senior. Je pense qu'il y avait un Omnium Senior. Il n'y a pas de résultat dans le quotidien, si je m'abuse. Est-ce que tu sais s'il y avait des golfeurs de Saint-Prime qui étaient? Je sais que c'était à Dolbeau hier. Oui. Nous autres, on était 8. Ouais. Certainement, beaucoup de Dolbeau parce que c'était à Dolbeau, le club ouais. Ouais, mais je sais que c'est le président du club de Dolbeau qui a eu le. Oh. On va y parler d'ailleurs. On va y parler aujourd'hui. On va y parler aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, c'est ça. C'est Daniel Fortin qui a joué, je pense, un beau 73. Je pense que Raymond Lavoie de Dolbeau également a joué un beau 74. Donc, non, le club de Dolbeau a été bien représenté hier au senior. OK. Ben, bravo. On se reparle, Rémi Cotnus, la semaine prochaine. Quelle belle activité. 111 000 $, vous avez de quoi être fier. Puis, je pense. À quelque part, ça paraît une méchante bad luck pour pas que le club fasse à tout le monde. Je pense que quand tu parles d'équilibre budgétaire, je pense que t'es très conservateur quand tu parles de même. Oui, effectivement. Mais je veux demeurer prudent, puis il faut continuer à avoir de la rigueur dans notre gestion. Parce que c'était pas rose quand on l'a pris, mais là, la lumière au bout du tunnel, c'est avec une activité comme ça, c'est incroyable. On s'en parle mardi ou mercredi prochain, ami. Rémi Cotnus, le président du club de golf de Saint-Prime.